Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. فأمس أخذنا أن الناس يعني الزائعين عن السبيل هم طائفتان. Ceux qui sont guéris de la voie du messager des receveurs sont deux sortes. On a pris les premiers hier qui étaient Al-Mumassila, Al-Mushabbiha. Ma huwa madhhabuhum? نعم هم أثبتوا يعني الصفات وقصروا في الجانب النفي donc j'ai dans l'affirmation des صفات ont été négligents dans la négation donc de là ils sont tombés dans ce mahzour azim qui est de faire ressembler à Allah sa création de dire qu'Allah a des صفات comme une autre وجه مثل وجهنا يد يد مثل يدينا وغير ذلك. الآن سنأخذ القسم الثاني. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل المعطلة هم الذين أنكروا ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه إنكارا كليا أو جزئيا. Donc les mu'attilas sont ceux qui ont refusé ce que Allah s'est attribué comme descriptif, comme attribut et comme asma de façon totale ou partielle. وحرفوا من اجل ذلك النصوص الكتاب والسنه فهم محرفون للنصوص معطلون للصفات وقد انقسم هؤلاء الى اربعه طوائف. Donc ces gens-là, ils ont altéré les textes du kitab de la sunna et ils ont annulé et supprimé les sifat et même des asma. Et ils se sont divisés en quatre catégories. Mu'attila sont les quatre catégories principales. Donc les mu'attila sont ceux qui suppriment les asma wa sifat, et comme expliqué, de façon totale ou partielle. Ça dépend. Après, ils ont différents degrés. قَالَ الْتَعِفَةُ الْأُولَى الْأَشَاعِرَ وَمَنْ دَوْهَهُمْ نِلْمَا تُرِدِيَا وَغَيْلِهِمْ. Donc les premiers sont les Asha'ira. On dit Asha'ira, on dit Asha'ariya, كذلك. C'est le même truc. Asha'ira, c'est un jabr, c'est juste une forme de pluriel. Et ceux qui le ressemblent parmi les Maturidiya et autres. Les Asha'ira, eux, ils sont attribués au fondateur qui était Ali ibn Ismail Abul Hassan Nisba et les Kabila Abi Saïd. Al-Ash'ari, c'est le même Kabila à la base. Mais après, par la suite, cet homme a fait Tawba et il a fait son livre qui s'appelle Al-Ibana, dans lequel il est revenu sur la croyance des Al-Sunati wal-Jama'a. Mais malgré cela, les gens sont restés apparentés à cette fausse croyance sur laquelle il était auparavant. طيب علي بن اسماعيل ابو الحسن الاشعري يا الماتريديه هو نسبه الى محمد ابن محمد الماتريدي يعني بيكون ابو منصور محمد ابن محمد الماتريدي كين croyance un peu similaire à celle des Asha'ira, avec d'autres différences, mais les bases là-dessus sont les mêmes par rapport à ce moment sifat. قال وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الأسماء وبعض الصفات ونافوا حقائق أكثرها وردوا ما يمكنهم رده من النصوص وحرفوا ما لا يمكنهم رده وسموا ذلك التحريف تأويلا. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont affirmé pour Allah ses noms, les noms ils le reconnaissent, et certains des sifats, pas toutes. Et bien qu'ils aient affirmé leur zan, ils ont renié leur réalité. Et ils ont rejeté tout ce qu'ils pouvaient rejeter comme texte. Et ce qu'ils pouvaient rejeter, ils l'ont harraf, ils l'ont altéré. Et ce tahrif, ils l'ont appelé ta'wil. On a dit que tahrif, à la base, c'est une altération de texte. Soit dans la prononciation du texte, du mot, ou soit dans son sens. Et eux, pour ne pas faire fuir les gens, ce n'est pas le tahrif qu'on fait, c'est le ta'wil, on interprète. Car c'est moins repoussant comme terme auprès des gens. On dit, nous, on interprète. On n'altère pas les textes. فَأَثْبَتُوا لِلَّهِ مِنَ الصِّفَاتِ سَبْعَ صِفَاتِ الْحَيَاءِ وَالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ وَالْكَلَامِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ عَلَى خِلَافِ بَيْنِهِمْ وَبَيْنَ السَّلَفِ kayfiyat isbat ba'd hadith sifat. Donc eux, ils ont attribué à Allah seulement sept sifat, qui sont la vie, la science, la qudra, capacité, la volonté, l'irada, la parole, l'ouïe et la vue. Mais cependant, ils les ont affirmés d'une façon différente à que la voie des salafs, que la voie sur laquelle étaient les salafs. وشبهاتهم فيما ذهبوا إليه أنهم اعتقدوا فيما نفوا أن إثباته يستلزم التشبيه أي التمثيل. Donc c'est quoi leur shubuhat? Parmi ce qu'ils ont refusé, ce qu'ils ont dit, que si jamais on affirme ce sifat, ça leur inclura qu'on fera ressembler à Allah à sa création. وقالوا فيما أثبتوه أن العقل دل عليه فإن إيجاد المخلوقات يدل على القدرة. Et par contre, pour affirmer ce qu'ils ont affirmé comme sifat, ils ont dit que la raison accepte ce sifat-là. Pour eux, la raison, elle accepte certaines et d'autres non. Salen, ils ont dit que le fait d'avoir donné existence aux créatures, cela inclut la kudra, la capacité. La création inclut de la capacité. Wa tarsis ba'diha min ba'd yahtassu bihi. Le fait que certaines de ces créatures se distinguent de d'autres, cela inclut comme sifat al-irada, la volonté. Car Allah a voulu que cette créature soit différente de celle-ci. Donc cela inclut pour eux la volonté. Et le fait que Allah les a yani, donné des normes et des cycles différents dans leur création, quoi. Cela démontre al-ilm, car elle est la science. Pourquoi celle-ci a été faite comme celle-ci, de cette façon-là? Cette créature fonctionne de telle sorte, et celle-ci d'une façon différente. Cela y a tâche al-ilm, ils ont dit. Donc le ilm, nous bitum. Wa di sifat al-kudra wal-irada wal-ilm, tadulu ala al-haya, lienna la yakumu illa bihi, la takumu illa bihi. Donc pour eux, ces sifats-là, qui sont la kudra, al-irada, al-ilm, inclut quoi comme sifat? La vie. Car seul un vivant peut agir de la sorte. Et que celui qui est vivant doit forcément être on doit forcément lui attribuer la parole, l'ouïe et la vue. Car cela fait partie des sifats de Kamel. Donc ils ont fait tout un cercle par rapport à leur aql. Tel sifat, telle chose. Tel sifat inclut que tel sifat, et au final, et ben quelqu'un qui est comme ça doit avoir telle et telle chose. Et le rôle sur eux est facile par rapport à leur réflexion. وَبِذِدِّهَا وَالْخَرْسُ وَالْسَمُ وَالْعُمَى وَهَدِ سِفَاتْ نَقْسْ مُمْتَنِعَةٌ عَلِ اللَّهِ تَعَالَى وَجَبَى الثُّبُوتِ الْكَلَامُ وَالْسَمُ وَالْبَصَى. Et le reposé de ces sifat, qui sont le mutisme, c'est-à-dire qu'Allah ne parle pas, et n'entend pas et ne voit pas, ce sont des sifat qui s'opposent à celle-ci, donc c'est impossible que Allah se les soit attribués. قال ورد عليهم من وجوه. Donc on réplique à ces gens-là de différentes façons. الأول أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه السلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة من بعدهم. Donc le fait de revenir à la raison dans ce domaine-là, sifat, ça, c'est le contraire de ce sur quoi étaient les salafs. De cette umma parmi les sahaba, les tabi'in et les imams, d'après eux. قال فما منهم احد رجع الى العقل في ذلك وانما رجعوا يرجعون للكتاب والسنه فيثبتون لله تعالى من الاسماء والصفات ما اثبته لنفسه او اثبته له رسله اثباتا بلا تمثيل وتنزيه او وتنزيها بلا تعطيل. Donc eux, qu'est-ce qu'ils faisaient, les salafs? Ils ne revenaient pas à la raison dans ce domaine-là. Ils revenaient au kitab ou à la sunnah. Ils ont affirmé pour Allah ce que Allah s'est affirmé à lui-même, pour lui-même, parmi les noms de sifat. Et ce que les messagers ont affirmé également, sans chercher à faire de tamthil. Et en le purifiant de tout défaut, sans suppression. Qala imam al-sunnati Ahmed ibn Hanbal, nasifu Allah bima wasafa bihi nafsahu, wa la nata'adda Al-Qur'an ou Al-Hadith, qu'il a dit, Rahmallahu Ta'ala, l'imam Ahmed, nous décrivons Allah comme c'est décrit lui-même, sans nous opposer au Coran et à la Sunna. Donc ça c'est le premier rod que les salafs n'étaient pas là-dessus. الثاني أن الرجوع للعقل في هذا الباب مخالف للعقل لأن هذا الباب من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال. Il a dit que le fait de revenir au aql dans ce domaine-là, cela suppose lui-même au aql, car le aql, ces choses-là, on va dire, sont liées aux choses de l'invisible, les choses dans lesquelles le aql n'a pas sa place, ne peut pas concevoir. وإنما تتلقى من السمع فإن العقل لا يمكنه أن يدرك بالتفصيل ما يجب ويجوز ويمتنع في حق الله تعالى فيكون تحكيم العقل في ذلك مخالفا للعقل. Car il n'est pas possible de trouver dans ce domaine-là si ce n'est par les adilas shari'a. Le aql, lui, ne peut lui-même cerner en détail ce qui est obligatoire ou permis ou interdit dans ce qui, en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala dans son attribut, dans son essence. Donc faire juger le aql dans ce domaine-là est une chose qui s'oppose au aql lui-même. الثالث أن الرجوع في ذلك العقل مستلزم للاختلاف والتناقض فإن كل واحد منهم فلكل واحد منهم عقلا فإن لكل واحد منهم عقلا يرى وجوب العروج إليه كما هو الواقع في هؤلاء. Et le fait de revenir au aql dans ce genre de domaine, cela va amener à des divergences et à des contradictions. Car chacun jugera selon sa raison et reviendra à sa raison. Comme c'est le cas de ces gens-là. فتجد أحدهم يثبت ما ينفيه الآخر وربما يتناقض الواحد منهم فيثبت ما فيثبت في مكان ما ينفيه أو ينفي نظيره في مكان آخر فليس لهم قانون مستقيم يرجعون إليه. Car tu verras certains affirmer des choses que d'autres vont renier. Ou tu verras même certains se contredire. Affirmer des choses en une certaine circonstance et les renier dans d'autres circonstances. La même chose. Donc ils n'ont pas, ces gens-là, de réglementation basée. Il y a un nid universel pour tous. Chacun verra selon son aql ce que bon lui chante, comme on dit. Cheikh Albani dit ça quand il a fait un rod au Mu'tazila, qui font code d'homme le aql. Il a dit, toi tu vas dire telle chose, l'autre tu vas aql dire telle chose. Comment vous allez vous mettre d'accord? Donc on revient au kitab wa sunna. Hadha wa al-mizan. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة فرضي الله عن الإمام مالك ابن أنس حيث قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم جدل هؤلاء. Donc il a dit quoi المؤلف ابن تيمية dans la حموية. Il a dit je suis surpris, avec quelle raison va-t-on donc à juger le kitab wa sunnah. Et que Allah fasse, que Allah agrée l'imam Malik, Ibn Anas, en ce qu'il a dit, est-ce qu'à chaque fois qu'un beau parleur va venir nous voir, quand même, nous allons délaisser ce avec quoi est venu Jibril à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à cause de ce langage qu'il va avoir. Dès que quelqu'un va parler, il aura un kalam qui va nous plaire, on va délaisser le kitab wa sunnah. Parce que tu auras toujours quelqu'un qui parlera mieux que lui. Il y en a un qui va venir, il va t'embellir les paroles. Un va arriver derrière lui avec des paroles encore plus belles. Et ainsi de suite. À chaque fois, tu vas jamais rester en place. ومن المعلوم أن تناقض الأقوال دليل على فسادها. Et il est connu que les choses que, le fait que les paroles se contredisent, cela démontre qu'elles ne sont pas authentiques. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Si jamais ce Coran venait de autre que Allah, ils auraient trouvé même divergence. أرابع أنهم إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن العقل يجيبه فإنه يلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه مع ارتكابهم تحريف الكتاب والسنة. Et que si jamais ces gens-là détournent les textes de leurs apparents dans un sens qu'eux prétendent et que la raison accepte plutôt que la raison obligatoire, alors on leur dira, nous, on vous contraint à agir de la même façon avec les choses que vous avez reniées. Il va expliquer maintenant. مثال ذلك, إذا قالوا المراد بيد الله عز وجل القوة دون حقيقة اليد لأن إثبات حقيقة اليد يستلزم التشبيه بالمخلوق الذي له يد ونقول لهم يلزمكم في إثبات القوة نظير ما يلزمكم في إثبات اليد الحقيقية لأن المخلوق لأن المخلوق قوة فإثبات القوة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم على قاعدتكم Il a dit pourquoi ? Parce qu'eux, ils disent, mathalan, ils ont interprété l'yad, la main, comme étant la kouwa. Sans dire que c'est une vraie main. Car le fait d'affirmer une vraie main à Allah fait ressembler Allah à la création. On dira, bah, le fait d'attribuer à Allah une kouwa, donc ils ont interprété l'yad comme étant la kouwa. D'accord ? Pour eux, l'yad, ou le kouwa, c'est la force. On dit, bah, la force aussi est présente chez la créature. Donc affirmer la force à Allah, fait ressembler Allah à la créature selon votre réflexion. Car la force est présente chez la créature. Donc pourquoi la main ? Pourquoi on renie la main, on accepte la force ? En مثال آخر, إذا قالوا المراد بمحبة الله تعالى إرادة الثواب المحبوب أو الثواب نفسه دون حقيقة المحبة لأن إثبات حقيقة المحبة يستلزم التشبيه. ونقول لهم إذا فسرتم المحبة بالإرادة لزمكم في إثبات الإرادة نظير ما يلزمكم في إثبات المحبة لأن للمخلوق إرادة. Donc il dit مثلا, ils disent que l'amour, ils voient pas l'amour pour Allah سبحانه وتعالى من صفات الله المحبة. Mais pour eux l'amour c'est le fait que Allah veuille pour la créature la récompense. Ou alors c'est la récompense en elle-même. La récompense en elle-même, ils la traduisent comme étant, ils l'interprètent comme étant Al-Mahabba. Car pour eux, attribuer la Mahabba à Allah, ça inclut le tajbih, la ressemblance. On dit, si jamais vous avez interprété cela comme le fait de vouloir la récompense pour la créature, dans ce qu'elle aura fait comme bien, c'est-à-dire le Mukallaf, on dit, bah, le Makhluk également, il a une volonté, il veut des choses. Donc le fait d'attribuer cela à Allah, cette irada qui est le thawab, fait un tashbih dans votre réflexion. Car le makhlouk, l'être humain aussi, il a une irada. Et il veut, mais ça, des fois, attribuer même la récompense à son fils, le père. Ou attribuer une récompense à quelqu'un. Il dit, فَصَرْتُمُوهَا بِالثَّوَابِ فَالثَّوَابِ مَخْلُوكُ مَغْفُرٌ لَا يَكُمُوا إِلَّا بِخَالِكْ فَاعِلْ وَالْفَاعِلُوا لَبُدُ لَهُ مِنْ إِرَادَ الْفِعْلِ وَإِثْبَاتُ الْإِرَادَ مُسْتَلْزِمُوا لِتَشْبِيحِ عَلَى قَاعِدَتِكُمْ. Il dit également, ce qu'on appelle al-thawab, la récompense. La thawab, c'est une création qui ne peut avoir lieu sans khaliq, quelqu'un qui l'applique. Donc, le fa'il, celui qui applique cette récompense, il a une volonté. Tamam ? Donc, cette volonté attribuée au fa'il, au khaliq, cette volonté présente également chez al-makhluq. Thumma naqul, ithbatukum iradat al-thawab أو ثواب نفسه مستلزم لمحبة العمل المثاب عليه ولولا محبة العمل ما أثبت فاعله ولولا محبة العمل ما أثيب فاعله فصار تأويلكم مستلزما لما نفيتم et le fait de vouloir d'attribuer le fait de vouloir attribuer accorder une récompense ou que la récompense en elle-même c'est ça le mahabba et qu'il n'y a pas d'amour pour l'œuvre à laquelle on a attribué une récompense, donc votre ta'wil vous contraindra à accepter ce que vous avez refusé. Pourquoi ? فَإِنْ أَثْبَتُمُوهُ عَلَى وَجْهِ الْمُتَمَاثِلِ الْمَخْلُوقِ فَفِي التَّمْثِيلِ وَقَعْتُمْ وَإِنْ أَثْبَتُمُوهُ عَلَى وَجْهِ الْمُخْتَصُ بِاللَّهِ اللَّائِقِ بِهِ أَصَبْتُمْ وَلَزَمَكُمْ إِثْبَاتُ جَمِيعِ الصِّفَاتِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. Car si jamais vous avez attribué cette mahabba alors comparant à celle du makhlouk, alors vous êtes tombé dans le tamthil, dans la ressemblance. Et si jamais vous avez attribué cela, le fait d'attribuer la récompense même, à celui qui la mérite, d'une façon qui est spécifique à Allah, qui lui revient seulement, on dira, vous avez eu raison. Et donc là, on vous dira quoi ? Faites comme cela avec toutes les sifates. Toutes les sifates, ce raisonnement que vous avez là, vous l'appliquez ici. Et là, on tient bien cela. Ces réponses-là, qui vont revenir très souvent. Les contraindre à agir d'une façon comme ils l'ont fait dans certaines façons. Ici, tu as agi de cette sorte, de cette façon-là. Dans ce domaine-là, il était obligatoire d'agir de la même façon. Et si jamais tu as refusé cette chose-là pour une mauvaise réflexion, eh ben, ici aussi également, tu dois la refuser. Ils tombent dans la contradiction. Donc, retiens bien ces points-là, car ils vont beaucoup se répéter dans le livre. Et des fois, on va les passer comme ça, rapidement. Al-Khamis, quatrième. Anakolahum fimanafo, inna isbatahu yastazimu tajbih, mamnour l'inna l'ishtirak fil asma wa sifat, yastazim tamasil musammayat wa mosufat, kamatakarra sabikan. Cinquième, il est déjà passé auparavant. Que si pour eux le fait d'affirmer les sifat inclut le tajbih, on leur dira quoi, comme on l'a dit auparavant, que le fait que les nominations et les sifat soient communes avec la création n'implique pas forcément une ressemblance. Ça, on l'a déjà dit auparavant. ثُمَّ إِنَّهُ مَنْكُودٌ بِمَا أَثْبَتُمُهُ مِنْ سِفَاتِ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُثْبِتُونَ لِلَّهِ تَعَالَى الْحَيَاءَ وَالْعِلْمَ وَالْقُدْرَةَ وَالْإِرَادَةَ وَالْكَلَامَ وَالسَّمْعَ وَالْبَصَرَ مَعَنَ الْمَخْلُوقِ مُتَّصِفٌ بِذَلِكَ فَإِثْبَاتُهُمْ هَذِهِ الصِّفَاتِ لِلَّهِ تَعَالَى مَعَ اتِّصَافِ الْمَخْلُوقِ بِهَا مُسْتَلْزِمٌ لِلتَّشْبِيهِ عَلَى قَاعِدَتِهِمْ. Donc maintenant, comme on dit, ils ont attribué pour Allah des sifat, la vie, la science, la capacité, la volonté, la parole, l'ouïe, la vue. Et on dit les makhlouk également est décrit par ces choses-là. Donc dans votre réflexion, si vous affirmez ces sifat pour Allah, vous avez fait du tajbih. Pas même? Vous avez fait du tajbih. Car ces sifat-là se présentent chez la créature. فإن قالوا إننا نثبت هذه الصفات لله تعالى على وجه يختص به ولا نشبهه بما أثبت للمخلوق منها. Il dit, si jamais ces gens-là te répondent, nous, ces sifat-là, on les attribue d'une façon qui ne revient que à Allah, qui lui est spécifique, qui lui est khas, qui ne ressemble pas à celle des créatures. قلنا هذا جواب حسن سديد فلماذا لا تكرون به فيما نفيتموه فتثبتوه لله على وجه مختص به بِوَجِّنْ يَحْتَسُ بِهِ وَلَا يُشْبِهُ مَا أَثْبَتَ الْمَخْلُوقُ مِنْهُ. Donc on dit ça, c'est une bonne réponse. Donc pourquoi vous n'agissez pas de la même façon dans les choses que vous avez reniées? C'est-à-dire, ces sifat et ces asma, vous les attribuez à Allah de façon qu'ils ne reviennent qu'à lui, de façon spécifique. C'est ça qu'on veut, nous, de vous. فَإِنْ قَالُوا مَا أَثْبَتْنَاهُ فَقَدْ دَلَى الْعَقْلَ عَلَى ثُبُوتِهِ فَلَازِمَ إِثْبَاتُهُ. Ils disent ce que nous avons affirmé pour Allah, la raison le conçoit et le confirme. La raison, voyez, nous force, nous contraint à l'affirmer. Kulna an hadha thalatha ajwiba. Trois réponses à cette parole-là. Ahaduha, annahu la yasah al-i'timad 'ala al-'aql fi hadha al-bab kama sabaq. Premièrement, qu'on ne peut se baser sur la raison dans ce domaine-là, comme cela a été dit auparavant. Athani annahu yumkinu ithbatu ma nafaytuhu bi dalil al-'aql yakunu fi ba'd al-mawadi' awdah min adillatikum fi ma athbatumuhu. Et nous disons qu'il est possible d'affirmer avec un dalil de la raison si vous avez vous-même refusé, et cela avec des choses encore plus claires que vos adillas à vous. Un exemple en cela, Ar-Rahma, que Allah s'est affirmé à lui-même. Iqoulihi wa rabbuka ghafur dhur rahma. Que ton Seigneur est le pardonneur qui détient la miséricorde. Soit de la caverne, verset 58. Wa qouluhu wa huwa al-ghafur rahim. Il est le pardonneur, le miséricordieux. Surat Yunus, verset 107. فَنَوْ يُمْكِنُوا إِذْبَتُوا بِالْعَقْلِ كَمَا دَلَّا عَلَيْهَا سَمَعْ. Afin, quand nous pouvons nous-mêmes affirmer ces sifat-là avec la raison, comme l'a prouvé, comme l'a indiqué le dalil shari'i. Comment cela? الْيَحْسَنِ إِلَى الْخَلْقِ بِمَا يَنْفَعُهُمْ يَدْفَعْ عَنْهُمْ الضَّرَرْ يَدُلُّوا عَلَى الرَّحْمَةِ. Que cette bienfaisance qui est attribuée à la création, par laquelle yani, il tire profit et qui repousse d'eux le mal, cela démontre quoi? Ar-Rahma, kadalat et tarsis à la irada. Comme le fait d'avoir spécifié des choses, comme eux ils l'ont fait, le tarsis, pour eux, cela, ce tarsis, qu'est-ce qu'il implique? Al-irada, la volonté. Que Allah ait voulu que certaines choses aient cela, et d'autres choses aient autre chose. Cela démontre quoi? La volonté. بل هو ابين واوضح لظهور لكل واحد او لكل احد. Et que ce raisonnement que nous on a donné, il est encore plus clair que le vôtre. Fahimt? T'as compris ce qu'il a voulu dire par là? Que la rahma, comment est-ce qu'on peut l'appliquer avec le aql? Le fait que Allah soit bienfaisant envers la créature, en leur apportant ce qui leur apporte profit et en repoussant d'eux ce qui leur nuit, ça démontre quoi ça? De la rahma. Et cette façon de raisonner est encore plus claire que la vôtre. La rahma, il voit que c'est une sifat, c'est pour eux, c'est une faiblesse. Rahma, c'est que tu as une faiblesse. C'est-à-dire que tu as un penchant pour la créature, tu as une faiblesse en toi. Il refuse la Rahma. Donc on dit ce que Allah a apporté à sa création qui lui est utile, qui l'a repoussé de ce qui leur a mal, c'est dans Rahma. Ça, ils ne peuvent le contredire. À ça, Alice, troisième réponse par rapport à ce qu'ils ont dit, que la raison eux implique ces sifat-là. Annakul ala fard an al-aql la yadullu ala ma nafaytumuhu فإن عدم دلالته عليه لا يستلزم انتفاءه في نفس الأمر لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول إذ قد يثبت بدليل آخر. Il dit, admettons, مثلا, que le عقل ne prouve pas ce que vous avez refusé. D'accord ? Le fait que le عقل n'y appelle pas ne veut pas dire que cette chose-là n'existe pas. Pourquoi ? Car ce n'est pas toute chose prouvée, tu vas apporter un dalil pour prouver cette chose-là. Quelqu'un va dire, ton dalil, je le refuse. Est-ce que le fait que ce dalil soit refusé démontre que la chose prouvée n'existe pas? Non, car quelqu'un peut venir avec un autre dalil. On peut arriver à ce même résultat-là avec une autre preuve. Donc, tu refuses cette preuve-là, si tu veux, tu en apportes une deuxième de toute façon. Et que tu le refuses cette chose-là, ne veut pas dire que le résultat auquel on est arrivé, il est faux. On peut le prouver par une autre voie. Donc ils ont fait quoi? Ils ont dit quoi? Comme il n'y a pas de dalil, il n'y a pas de madloul. Comme il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de résultat. On dit non, cela c'est pas forcément. Il se peut que tu aies un résultat, d'accord? Toi, avec ta réflexion, tu refuses cette preuve-là, tu peux avoir 10 autres preuves derrière. 10 autres. Donc eux, le madloul, le résultat, ils le refusent à sa base. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de preuve dessus. La racle ne l'affirme pas. On dit non, ton racle à toi ne le prouve pas, on peut avoir d'autres preuves qui viennent avec, et les preuves qu'on a, les preuves légiférées. Les preuves légiférées qui, elles, effacent toutes vos réflexions là, basées sur votre raison. فَإِنْ قَدَّرْنَا أَنَ الدَّلِيلَ الْعَقْلِ لَيُثْبِتُهُ فَإِنَ الدَّلِيلَ السَّمْعِي قَدْ يُثْبِتُهُ وَحَيْنَ إِذِنْ يَجِبُ إِثْبَاتُهُ بِالدَّلِيلَ الْقَائِمِ السَّالِمِ عَنْ مَعَارِدِ الْمَقَاوِمِ. Donc si jamais la preuve basée sur la raison pour vous ne l'admet pas, on va vous répondre avec les preuves légiférées. Et celles-ci, elles ne sont pas discutables. فَإِنْ قَالُوا بَلْ الْعَقْلِ يَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ ذَلِكَ لِأَنَّ إِثْبَاتَهُ يَسْتَلْزِمُ التَّشْبِيهَ وَالْعَقْلُ يَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ التَّشْبِيهِ قُلْنَا إِنْ كَانَ إِثْبَاتُهُ يَسْتَلْزِمُ التَّشْبِيهَ فَإِنْ أَثْبَتَ مَا أَثْبَتُمُوهُ يَسْتَلْزِمُ التَّشْبِيهَ أَيْضًا. Ils disent quoi? S'ils disent que la raison démontre qu'il faut refuser cela, car cela inclura une ressemblance, et que la raison elle-même démontre qu'on ne peut faire ressembler Allah à sa créature, on leur dira quoi? Comme on l'a dit tout à l'heure. Pour eux, c'est pour eux affirmer les choses qu'ils ont refusées. Ça inclut un tashbih. On dira, alors que vous-même, vous avez affirmé également, inclut un tashbih. C'est la même chose. Au bon début. C'est la même réponse. Quand je dis les réponses, elles se répètent. Elles se répètent tout le temps. فَإِنْ مَنَعْتُمْ ذَلِكَ لَزَمَكُمْ مَنْعُهُ فِي مَا نَفَيْتُمُهُ إِذْ لَا فَرْقَ. Et ce qui vous empêche de l'affirmer, ce fait qui vous empêche d'affirmer, doit également vous empêcher de renier, de refuser. C'est la même balance. وَحَيْنَا اِذِينَ اِمَّا تَقُولُوا بِالْإِثْبَاتِ فِي الْجَمِيعِ فَتُوَفِقُوا السَّلَفِ وَإِمَّا تَقُولُوا بِالنَّفِي فِي الْجَمِيعِ فَتُوَفِقُوا الْمُعْتَزِلَ وَمَنْ دَاهَهُمْ وَمَّا التَّفْرِيقِ فَتَنَاكُوا الظَّاهِرِ. Donc il dit maintenant, soit vous dites, yani vous prenez le call d'affirmer toutes les sifates, à ce moment-là vous serez en conformité avec la voix des salafs. Ou alors, vous devez renier toutes les sifates, et à ce moment-là, vous serez en conformité avec la voix des Mu'tazila, ce qui leur ressemble. Mais le fait de différencier entre ça et ça, c'est une contradiction chez vous. Car tu verras que les Asha'ira, ils répliquent aux Mu'tazila. Mu'tazila, ils répliquent aux Jahmiya. Même entre eux, ils sont pas... Et eux, les Asha'ira, viennent avec des raisonnements qui sont vrais pour réfuter les Mu'tazila. Et ces raisonnements-là, on s'en sert contre eux-mêmes. Également. Voilà. Car, pour réfuter le faux des Mu'tazila, ils ont besoin d'arguments qui sont véridiques. Donc, cette vérité-là, nous-mêmes, on la prend, on l'applique sur eux. Plus tout le monde du haq, les gens du faux, ils n'auront pas forcément du faux à 100%. Ils auront toujours une part de vérité avec eux, en général. Même des koufars, des fois, ils auront du haq avec eux. Cela ne veut pas dire qu'ils sont sur la vérité. Et après, les gens, ils ont des différents degrés. Certains sont plus proches de la vérité que d'autres. Mais l'histoire, c'est que les seuls qui sont la vérité purement sont les gens de la sunna. Les gens de la sunna. Donc de là, ils auront forcément les arguments pour répondre à tout le monde. Ou Asha'ira, ou Mu'tazila, ou Jahmiya, ou Qadariya, même au Kufa. Quelle est la vérité? La vérité est basée sur quoi? Sur le Kitab ou le Sunna, avec la compréhension des salafs. Non. A'adahu, aladhi akadna al-yum, on a pris donc les premières catégories des Mu'attila, on a pris les Asha'ira, qui eux affirment, ils acceptent les Asma. D'accord? Par contre, ils n'acceptent que cette sifat. Et malgré cela, ces sifat-là, ils ne les voient pas comme il se doit sur leur réalité. Ils ne les voient pas comme il se doit sur leur réalité, mais ils les interprètent kazalik. Et leur chouboual, c'est quoi? C'est de faire qaddam le aql sur le shara, en disant que si on affirme les sifat, on va faire ressembler Allah à la création. Azaoul ladhi aqadna al-yum. Afouma hada? Faylahuna, wa alhamdu rabbil alamin.